São 6 horas no TTV. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Y'a qu'à mettre tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Amis des boucheries de qualité, bonsoir. What a battle it was, girl, without the people standing and waiting for the one they sell. You used to come around by the real old track with a real old girl and a six pack. The official one, the captain, I could see your heels. Oh, we were sick of every fighter, boys in men's out. Come around by the railroad track with a little girl and a six pack. We're Captain Siri going, all the guys in time is low. We're sick of every fighting, war is in men's out. Got me a phone, I'm in the low gas. I got a little girl of mine, a six pack. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque. Ça faisait 15 jours que je n'avais pas fait d'émission et je n'en ferai pas la semaine prochaine, donc profitez-en. C'était un petit îlot de musique, là maintenant, tout de suite, pendant 2 heures en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel ou en différé sur OnTheRocks.net, en rediffusion sur ZEF à Blois. Et on commence cette émission dans la joie avec ce morceau qui s'appelle Drowsy Maggie, mais dans la joie et un peu la tristesse, puisque bah, une disparition qui moi m'a peiné, qui c'est un petit bout de mon adolescence qui est parti avec ce monsieur. Il s'appelait François Hadji Lazaro, et si son nom ne vous dit peut-être rien, c'est que vous avez dans la vingtaine ou la trentaine, mais sachez que ce monsieur, déjà si vous voyez sa bouille, je pense que vous allez tout de suite le reconnaître. Il était le leader incontesté des Garçons Bouchers du groupe Pigalle. Alors les Garçons Bouchers, c'était pour son côté un peu plutôt punk, un peu dans l'esprit de Berruyer Noir, et puis Pigalle c'était un peu plus chanson réaliste française, et puis il a fait un peu de tous les styles, et en tout cas c'est un multi-instrumentiste absolument génial, avec sa rondeur, sa boule à zéro et sa sale gueule, comme il dit, ma gueule est sur tous les disques, tant qu'à avoir une sale gueule, autant la rentabiliser. Voilà, il a eu des projets, 1000 projets, il a créé une maison de disques qui s'appelait Boucherie Productions, qui a été le berceau et le creuset de tous les groupes pratiquement indépendants issus un peu du rock et du punk de la fin des années 80 et du début des années 90. Alors évidemment, comme toujours, eh bien ça s'est un petit peu fait manger tout ça par les grosses majors, mais lui, il tenait bon. Alors là, à l'instant, c'était pas les Garçons Bouchers, c'était pas Pigalle, mais il y avait François Hadji Lazaro dans le groupe qu'on vient de se diffuser. François Hadji Lazaro vient de mourir donc à l'âge de 66 ans. Il avait sorti un album de Pigalle il y a quelques années. Il y a 2-3 ans, et bien voilà, donc dans ce super groupe qui s'appelait Los Carayos, qui a sorti deux albums absolument foutraques, c'est du grand n'importe quoi, mais quel talent. Il y avait Tonio Chao à la caisse claire. Alors Tonio Chao, c'était le trompettiste également de La Mano Negra, et on retrouve Tonio Chao sur France Inter, qui s'appelle Antoine Chao maintenant, et qui fait des émissions assez assez revendicatives et salutaires sur France Inter. Il y avait Manu Chao au chant et à la guitare dans les Carayos. Il y avait Alain Vampas, qui était le contrebassiste des Vampas et qui jouait dessus, le très regretté Schulz, chanteur des Parabellum. Alors moi j'aimais pas trop Parabellum, mais alors en tout cas dans les Carayos, qu'est-ce qu'il était bon ce Schulz. Et puis François Hadji Lazaro, alors Schulz lui c'était guitare chant, et François Hadji Lazaro, pour vous donner une petite idée de son talent d'instrumentisme, instrumentiste au sein des Carayos, il chantait, alors c'est pas ce qu'il faisait de mieux chanter, mais il jouait de la concertina, du banjo, de la mandoline, de l'accordéon, du violon, de la flûte traversière, de la flûte irlandaise, du violoncelle, de la cornemuse, du dobro et de la vielle à roue. Voilà, c'était un musicien absolument génial et quelqu'un qui avait des convictions qu'il portait haut et fort. Eh ben salut François Hadji Lazaro, une grosse pensée à lui ce soir, et puis l'émission lui est dédiée, et puis il y aura peut-être un dernier morceau des Carayos pour terminer l'émission, ou un de temps en temps, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on va continuer cette émission On The Rocks avec des nouveautés un peu plus fraîches que ce Carayos. Je sais pas quand ça date, ça, je vais me prendre une claque, je crois, si je trouve la date sur le disque. Je pense que ça va me faire très très mal, c'est un CD, vous voyez. Je ne sais pas, mais à mon avis c'est, moi je dirais 4, quelle année ça? On ne sait pas. En tout cas, je dirais peut-être 89, 88, peut-être pour ce... Ah, 90, c'est marqué dessus. 90, c'est 1990, cet album de Los Carayos. On va continuer avec une nouveauté. Voici quelqu'un qui sort son album solo un peu dans l'indifférence générale. Et c'est très injuste parce que c'est un songwriter absolument impeccable. Il s'appelle Brandon Benson. Il a souvent été Brandon Benson diffusé dans The Rocks. Mais il est surtout connu pour son autre groupe, parce que ça, c'est son projet solo sous son nom, Brandon Benson. Mais il a également un autre projet qui est un groupe qu'il a créé avec un monsieur qui s'appelle Jack White, et ce groupe s'appelle Les Raconteurs. Eh bien, Brandon Benson, c'est la moitié des Raconteurs, mais en solo, ça marche jamais aussi bien que Les Raconteurs. Et pourtant, c'est vraiment très bien. Voici un morceau qui ouvre son mini-album ou maxi-EP, je crois qu'il y a 8 titres dessus qui vient de sortir. Ça s'appelle Whatever's on My Mind, et moi j'aime beaucoup, beaucoup Brandon Benson. Donc ce soir, dans The Rocks, c'est le coup de cœur. Can't hold back, it just comes out, but the words fall flat, and I'm on my feet. if you are happy, then you cease to be. That's a tip. Pour commencer l'émission dans The Rocks, d'abord Brendan Benson avec Whatever's on My Mind, et puis à l'instant c'était Jack White tiré de son dernier album solo qui est excellent. Je suis pas un grand fan de Jack White tout le temps, les White Stripes c'était pas franchement toujours mon truc, mais alors là cet album là de Jack White est vraiment très beau. On s'y diffusait pas mal de fois des morceaux de ce dernier album dans The Rocks, et bien on continue avec A Tip From You To Me. Mais moi j'aime bien Brendan Benson, j'aime bien Jack White, mais ce que je préfère c'est quand ils se mettent ensemble et qu'ils forment les Raconteurs. Et là, alors là franchement j'aime vraiment vraiment beaucoup, et si vous voulez savoir ce que ça peut donner, et bien ça peut donner ça. Voici donc les Raconteurs avec Rich Kid Blues, mais c'est une reprise, ce n'est pas un morceau des Raconteurs. Ils le mettent à leur sauce, ils le mettent tellement bien à leur sauce que ça en devient un petit chef d'œuvre. Mais l'original était pas mal non plus, on en parle juste après. Voici les Raconteurs avec Rich Kid Blues. Oh. just paying dues. I got shoes and money and good friends too. Though I always play to win, I always seem to lose. That's why I think I got a rich kid's blues. Brendan Benson et Jack White associés au sein des Raconteurs avec leur reprise de Rich Kid Blues. Et ce morceau Rich Kid Blues est le morceau d'un artiste phénoménal, extraordinaire, qui n'a jamais eu la carrière dont il méritait d'avoir. Oula. qui n'a jamais eu la carrière qu'il méritait d'avoir, c'est beaucoup plus simple. Il s'appelait Terry Reid, il est toujours vivant, je crois, Terry Reid. On vient de l'entendre à l'instant avec son morceau Super Lungs, My Super Girl. Et figurez-vous que ce chanteur était tellement charismatique et tellement talentueux que lorsque Jimmy Page a voulu créer un groupe après les Yardbirds qui allait s'appeler Led Zeppelin, il lui a proposé de devenir le chanteur de Led Zeppelin, l'autre du nom. Et donc ça a été Robert Plant, et donc ça a failli être le chanteur de Led Zeppelin. Il a continué une carrière solo qui n'a vraiment pas eu le succès escompté et mérité. Eh bien, je vous invite à retrouver tous les premiers albums de Terry Reid, car si vous avez aimé la reprise des Raconteurs, et si vous avez aimé ce morceau qu'on vient d'entendre de Super Lungs, My Super Girl, vous allez aimer Terry Reid. C'est assez varié par ailleurs. Il y a effectivement du gros rock, mais il y a aussi des choses un peu plus acoustiques, un peu plus folk. C'est vraiment, vraiment un artiste majeur, vraiment tombé dans l'oubli, et c'est bien dommage. On va revenir à des choses plus récentes, puisqu'il y a pas mal de nouveautés ce soir dans The Rock. C'est bien, on commence tout de suite avec une émission assez rock'n'roll, je vous préviens, assez guitare. Voici Playing Dead, et ça s'appelle Voices of the Dead. We'll des nouveautés. Il y en a des velues. À l'instant, c'était Reckless Coast avec Gossip. Et juste avant, c'était Playing Dead avec Voices of the Dead. Eh bien, puisque vous êtes chaud, je sens que vous commencez à vous échauffer les articulations. On va continuer dans The Rocks. Puisque j'ai beaucoup de choses à vous faire écouter, je vais pas tellement parler. Encore une nouveauté. Voici The Pumps avec Temporary States. But that you wanted to leave me at the rest stop all the days that I gave you the third degree. All the ways that you wanted to murder me. There's a man who knows the cheat codes. You can play this game on easy mode. All you need is a good singer and your story can be told. A career is just a train and momentum's just the fare. You are not a household name. It's because you didn't do. A wretch like myself can't be good for your health. Turn this guy through sickanation to a temporary scene. I know that I've transgressed, but we've given it a rest. Turn this tiny fractured kingdom to a thriving commonwealth. Like myself, can't be good for your health. Turn this godforsaken nation to a temporary state. I know that I've transgressed, but we've given it a rest. Turn this tiny fractured kingdom to a thriving commonwealth. Alors qu'est-ce que je suis en train de me tromper dans mes morceaux là les amis, qu'est-ce que je vous ai annoncé? Je ne sais plus, oui il y avait Playing Dead et Restless que juste avant, là c'était Radio Boys avec Sugar and the Pumps, avec Temporary States, avec un morceau voilà qui essaye de faire un petit peu du ska alors que tout le monde fait du ska sauf le guitariste au fond qui fait du Cure au début. C'était un peu étrange, alors on va passer à quelque chose d'un peu plus consistant maintenant, avec encore une nouveauté, ça s'appelle Laurie Wright et le morceau c'est Butter Side Up Boy. Je l'ai déjà dit? Non j'ai pas dit. time feeling, staring at the ceiling, looking for hidden meaning. My sanity is slipping. I'm fearing what I'm feeling, staring at the ceiling, looking for hidden meaning. My sanity is slipping. Vous les avez sûrement reconnus, c'était les Kula Checkers, tirés de leur dernier album en date. Très très bon album, un peu foutraque, un peu rempli de plein de choses différentes, mais vraiment très bon album, un peu concept des Kula Checkers, où ils proposent une sorte de congrégation des faiseurs de câlins. Enfin, c'est un petit peu étrange, mais en tout cas, l'album est très très bon. Et puis, à l'instant, juste avant, il y avait Laurie Wright avec Butter Side Up, Boy et l'abeille. Là, je l'entends qui bourdonne à l'autre bout du poste et qui dit « Et les filles ? Où cassons les filles ?» Et il y a aussi des filles qui font du rock. Alors avant qu'elle s'énerve un peu trop, elle a raison. Voici une nouveauté, ça s'appelle Ariel. C'est le nom de cette chanteuse. Ça s'appelle 73 et c'est du, comment on pourrait dire, du rock blues américain dans la plus pure tradition, mais elle le fait très bien. We'll be right back. every name in the book, honey. Go on, take your best shot. Take your best shot. Take your best shot. I got my back to you, honey, name in my heart. Go on, take your best shot. L'artiste féminine de ce début d'année 2023 avec son très bel album, c'était Margot Price à l'instant avec le morceau Been to the Mountain. Tout l'album est bien, je vous le conseille fortement. Et puis juste avant, il y avait Ariel avec 73. Vous êtes dans The Rocks comme tous les lundis soirs, ou presque, pas d'émission la semaine prochaine. Mais voici maintenant encore une artiste majeure que je suis très content de retrouver dans The Rocks. Je l'avais un peu perdu de vue et j'avais beaucoup aimé son premier album. Elle revient, elle s'appelle Bess Horton. Elle vient de sortir un morceau et un album, je crois, en tout cas un morceau, qui s'appelle Fractal, ce qu'on va se passer maintenant dans The Rocks. Et on retrouve tout ce qui faisait le sel et la pâte de Bess Horton il y a une vingtaine d'années, je suis gentil, c'est peut-être un peu plus. Voici donc un morceau qui tourne pas mal d'ailleurs sur France Inter, on l'entend, et ça fait plaisir. Fractals, donc Bess Horton, elle revient et ça fait du bien. I'm Vous êtes toujours dans On The Rocks. Et après Beth Orton, nous venons d'avoir The Nude Party avec Hard Times, un groupe qui n'est pas si fréquent sur disque, puisqu'il date de 2012 et je crois qu'ils n'ont sorti que 2 albums en 10 ans. C'est pas beaucoup. En tout cas, ce dernier single est plutôt sympathique dans le genre americana, rock classique américain. Et justement, c'était Beth Orton, donc je l'ai dit, avec Fractals. Je vous conseille fortement, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir le dernier film de Steven Spielberg, qui est une véritable petite merveille, assurément son meilleur film depuis 25 ans et qui fait partie des tout meilleurs films de Steven Spielberg. J'ai pris un plaisir immense à voir ce film, un très très grand film. Ça s'appelle The Fabelmans, et au milieu de ce film, il y a une petite séance fin des années 50 qui se passe sur une plage, voilà, un petit peu ambiance Beach Boys, et il y a un morceau qui sert de musique de fond à cette scène que je ne connaissais pas et qui est absolument addictif, un peu crétin, comme pouvaient se faire certains morceaux à la fin des années 50, début des années 60. Alors nous, avec les yéyés, on n'a pas de leçons à donner. Ça s'appelle James Darren. Alors j'avais jamais entendu parler de James Darren. Et le morceau s'appelle Goodbye Cruel World. Et c'est une sorte de rédemption et de disparition dans l'univers du cirque. Si j'ai bien compris les paroles, vous allez comprendre, puisque le petit morceau de flutio qui est joué à chaque fois en introduction, eh bien, ça fait penser au ta-ta-ta-ta-ta-ta du cirque. Grand, grand film de Steven Spielberg, vraiment un de mes films préférés de ces dernières années. Allez courir voir ce film, et puis cette scène en vaut vraiment la peine. Et ben voilà, donc j'ai décidé de vous diffuser ce petit morceau assez rigolo, ça s'appelle James Darren, c'est pas un perdreau de l'année, c'est pas un morceau qui date d'il y a 15 jours, mais ça fait du bien, Goodbye Cruel World, et c'est toujours agréable de découvrir des morceaux après 30 ans d'émission dans The Rocks. Circus, gonna be a broken-hearted clown. Paint my face with a good-for-nothing smile, 'cause a mean, fickle woman turned my whole world upside down. Farewell to love, I'm off to join the circus. Gotta find a way to hide my tears. If it takes 100 years. Oh, step right up and take a look at a fool. He has got a heart as stubborn as a mule. Come on, everybody, he's good for a laugh. And no one could tell his heart is broken in half. Well, the joke's on me. I'm off to join the circus. Oh, Mr. Barnum, save a place for me. Shoot me out of a cannon, I don't care. Let the people point at me and stare. I'll tell the world that woman, wherever she may be, that mean, fickle woman made a crying clown out of me. Talking that stuff. You think you're on top, but you find that you just ain't enough. Walking round, head down, all by yourself late at night. Yeah. And the black of the street blends up into the stark night sky. But the light shines brightest in the dark. All you need is a match to start a little spark. Yeah. Cause the light shines brightest in the dark. Cause the light shines brightest in the dark. Hey, hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Like a seed that you lost in the garden of your own desire. And you must have been counting all the things that you hadn't acquired. It shines brightest in the dark. Shine brightest in the dark. All you need is a flint to start a little spark. Mm. Cause the light shines brightest in the dark. Shine brightest in the dark. Hey, the light shines brightest in the dark. Hey, now. C'était John Baptiste avec The Light Shines Brightest in the Dark dans The Rock. C'est une nouveauté, c'est une petite bande originale de film de Marlowe, je crois. Et puis juste avant, c'était James Darren avec Goodbye Cruel World, tiré du film The Fabelmans, que je vous conseille encore une fois de plus, d'aller voir au cinéma, parce que vraiment, vraiment, c'est quand même magnifique. On en est où dans ma petite émission? Là, je suis un petit peu perdu, qu'est-ce que c'était? Oui, on va peut-être sauter ça, quelle heure est-il? Oui, on va sauter ça, on va passer directement ici, avec un groupe, alors là, vraiment, c'est un groupe que j'ai beaucoup, beaucoup aimé au tout début des années 90, il y a donc 30 ans, au début dans The Rocks, et ils ont sorti un album fabuleux, un deuxième album un peu plus dispensable, et puis plus de nouvelles, plus rien, et je me suis dit que jamais, plus jamais on entendrait parler de ce groupe. Eh bien ils reviennent avec exactement le même son. Alors je me demande d'ailleurs si c'est pas une archive qui a été ressortie, parce que ça me paraît quand même étonnant, mais bon, apparemment c'est une nouveauté. Je m'enseignais quand même un petit peu plus pendant le morceau. En tout cas, c'est un morceau qu'on n'avait jamais oui. Et moi, j'ai dit oui, parce que c'est quand même bien. Je vous dis pas ce qui c'est, surtout un petit jeu pour Duduche qui va trouver en 17 secondes. Little Indian Princess, c'est le nom de leur dernier morceau, donc incroyable. Et quel plaisir de les retrouver. Je les avais vus en concert. C'était absolument fabuleux, du style basse à deux cordes. Voilà. Enfin, bref, c'était vraiment très très bien, hein, ce trio. Je ne vous dis pas qui c'est. Vous allez peut-être reconnaître maintenant. Là, c'était le morceau que je voulais sauter. Enfin, c'est, vous n'allez pas reconnaître parce que forcément c'était pas très connu. Voici le groupe dont je vous parle. You, I couldn't eat meat without you. invitation. Took her by the arm. Selling E. coli burgers. Couldn't do no harm. I'd use any reason. I'd use any trick. Just to spend my loose change. M'émeuvent un peu moins que oui, les Presidents of USA du duché, c'était ça exactement. C'était exactement ça. Et bien, à l'instant, c'était The Borellays avec un groupe que moi j'aimais bien. C'est, je crois que c'était au début des années 2000, fin des années 90. Je ne me souviens plus bien. En tout cas, ils reviennent. Ils étaient déjà revenus il y a quelques années avec The Unconscious. Avec juste un titre pour m'embêter parce que c'est pas facile à dire. Est-ce qu'on a le temps? Qu'est-ce qu'on a le temps de faire là? On va voir. On va se passer, quelque chose qui a été un événement ce week-end pour moi. Ça m'a fait chaud au cœur puisque c'est une artiste, vous savez, pour ceux qui sont des habitués, des fidèles d'On The Rocks, que j'ai déjà interviewé 3 fois, dont une première fois à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec une magnifique rencontre où elle m'avait joué 2 morceaux. J'étais assis sur son, à côté d'elle, elle joue au piano à queue, elle m'a joué 2 ou 3 morceaux qu'on peut retrouver sur ontherocks.net dans l'onglet live. Elle s'appelle Sarah McCoy et elle m'avait dit: je mesure le chemin que j'ai parcouru en regardant au-dessus de ma tête en m'endormant, puisqu'elle a été SDF de nombreuses années aux États-Unis, chanteuse extraordinaire, pianiste fabuleuse, un cœur gros comme ça, et sur scène, voilà, une sorte d'ogresse magnifique sur scène, au Grèce dans le sens qui nous mange tout cru tellement elle est talentueuse. Et bien voilà, elle a été pendant des années regardée au-dessus de sa tête et elle ne voyait que les étoiles puisqu'elle dormait dehors. Ensuite elle a dormi des années dans un van, c'était un peu mieux, et maintenant elle a des chambres d'hôtel, et je pense que les chambres d'hôtel s'améliorent puisqu'elle était l'invitée, une des invitées d'honneur de Taratata ce week-end à la télé, et ça c'est quand même une consécration assez sympa pour Sarah. J'en suis très très heureux pour elle. Et elle n'était pas seule, elle a fait un morceau toute seule, un morceau qui s'appelle Go Blind, qu'on va se diffuser maintenant, qui il figure sur son dernier album, et puis un morceau en duo avec quelqu'un que moi je défends énormément depuis quelques temps dans On The Rocks. Et les voir réunis tous les deux pour cette reprise de What a Wonderful World, ça a été vraiment une belle émotion pour moi. Il s'appelle Jonathan Jeremiah avec Early Warning Sign, c'est le morceau qu'on va se passer maintenant, et puis juste derrière il y aura Sarah McCoy avec son morceau Go Blind tiré de son dernier album. Et si vous voulez les entendre chanter tous les deux, eh bien il faut aller sur le site de Taratata pour écouter ça. Voici Jonathan Jeremiah avec Early Warning Sign. Mathieu Dufaux, un petit concert à l'Astrolabe de Jonathan Jeremiah, ça serait pas du luxe. Going across fire, across the lowlands, the west wind blows as I struggle alone through the heavy sand from where I'm standing. Now, this is what it looks like. It's gonna be a long hike, but tonight I wonder what left us so long. Far away while the world's on fire. No, I called it wrong. At least from where I'm standing now, this is what it feels like. It's gonna be a long hike back tonight. We got an early morning sun. I have to say I love you now. Have I been waiting for the world to end to say what I always knew? We got an early morning sun. Spend the rest of this life with you. I'm wrapped in a red sky as the thunder rolls in. As I march in a drought coming from the direction I'm walking in. From where I'm standing now, this is what it sounds like. It's gonna be a long hike back. So in the meantime, can you forgive me for never saying so? How beautiful you are, this you all know. So understand me now, this is what you look like. You look beautiful to my eyes. We got early warning sign. I have to say I love you now. If I've been waiting for the world to end to say what I always knew. We got early warning sign. Can't waste any more time. We got early warning sign. We got early warning sign. Spend the rest of this life with you. Just because you're clever, baby, don't mean that's wise. I'll keep your secret as I suffer now by your desire. Whoa, you double cross me. Now I'm begging you to try me, and I can't see a damn thing when your lies make me go blind. Just because you're handsome now, don't mean that's naive. Every compliment you give, Sarah McCoy avec Go Blind, et à l'instant, juste avant, c'était Jonathan Jeremiah avec Early Warning Sign. Je ne serai pas là la semaine prochaine, pas d'émission On The Rocks. La semaine prochaine, je reviens dans 15 jours. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site ontherocks.net en rediffusion à Blois, si je n'oublie pas de leur envoyer le petit fichier audio. Et on va terminer l'émission comme on l'avait commencé, avec un hommage à ce grand musicien et grand bonhomme qui était François Hadji Lazaro. Voilà, c'était pour moi c'est vraiment une perte, et c'est un peu une époque qui se barre. Voilà, des Carayos, Tonio Chao maintenant fait de la radio, ne fait plus de musique. Manu Chao sort un morceau de temps en temps, mais un peu perdu à travers ses divagations. Voilà, Schultz est mort, et François Hadji Lazaro vient de mourir. Donc c'est un peu triste tout ça. On va se passer le morceau qui s'appelle Mama, musique de François Hadji Lazaro, et Schultz, et parole de Schultz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il marque pas les numéros sur les CD, c'était Boucherie Productions, c'était comme ça. Voici donc, pour terminer l'émission, le grand François Hadji Lazaro et sa bande des Carayos, car c'était moi son groupe que je préférais, et ça s'appelle donc Mama. Bonsoir, bonne nuit et à bientôt. Hey, hey, mama, please don't tell me no more lies. Hey, hey, mama, show me how to fly. Mom, come on with me, let's wanna get some hugging. I'm buzzing around and drink coffee, it ain't no good for swimming. Come on. Hey, hey, mama, please don't tell me no more lies. Hey, hey, mama, show me how to fly. Mama, D'écouter un autre Carayos, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve que ça donne envie d'écouter un autre Carayos. Eh ben, on va s'écouter encore un petit morceau. Cette fois, c'est vraiment pour partir dans la bonne humeur. Une grosse bise à Duduche, une grosse bise à l'abeille, à tous ceux qui ont écouté ce soir. Et voici une... Alors là, voilà, on finit là-dessus parce que ça m'amuse. C'est leur reprise de Mustapha. Allez, si j'envoie le morceau, c'est mieux. Attention, je recommence. C'est leur reprise de Mustapha. Te adoro como la salsa de pomodoro.